vie de tout, ça ouvre les femmes comprendre. Je garde l'espoir qu'il y a quelque part un être parfait qui peut partager vie, qui va faire sentir d'un coup désespéré. Dernièrement vous dites que c'est une seule fois mon rêve. Tout ça que fait après, c'est terrasse et habitude. Ou qui ou t'es vine dans vie, si vous te connaissez qu'on s'en pense. Pas de qui te m'offrir, que moi pour grand merci. Ou qui ou t'es vine dans vie, si vous te connaissez pas de vine pour aider. Pas de l'onge blâme, ou t'es doué qui te m'périr. Si on t'y dispute, ça mettait en colère. Faut éviter de répéter des mots blessants. Car même si vous t'a dit un million, I'm sorry. Il va me passer toute peine que vous causez. Après tout temps ça, vous dit que vous n'avez pas vaut rien. Ou même déclarer, c'est sûr que ce qui fait nos sens. Ou qui ou te vine dans vie, si ou te connaissez qu'on s'avance. Pas de qui te m'offrir, que moi pour grand merci. Ou qui ou te vine dans vie, si ou te connaissez pas de vine pour aider. Pas de l'onger la main, ou te doué qui te m'pégrir. Tell me where to go. I'm a fighter, I won't give up. But there's a will, there is a way. I'm gonna rest and succeed. Yeah, yeah. Why is it hard to find you? Tell me where to go. I'm a fighter, I won't give up. But there's a will, there is a way. I'm gonna rest and succeed. Pobre de mon guide, vous bouche la société. Mais vous amusez, vous faites des bagailles. Qu'on cap dérangé, yon jou quand même dans l'existence. Ou même si vous êtes dans l'autre pays, conscience ou va poser aux questions. Ouais, c'est moi qui t'es bon pour vous. Why is it hard to find you? Why love is so difficult? I'm a fighter, I won't give up. But there's a will, there is a way. I'm a rest and I succeed. Why is it hard to find I you? I know everywhere. Sou pa vle, mwen m ap pase. Nan pran yon moun ki vle. Se pa mwen se mwen mè pou soufri. Ni pou deside pa m ap pu. Tout sa sans importance nan jè pa. Ka riches yon lot moun. vie est une surprise pour moi. Patience, moi, bout, moi, pas qu'attendre. On ne sait pas d'arriver, c'est fait, mais pour l'amour, pas ma guerre, existence en moi. T'en passer vite, c'est la bagaille au bel. Le wap souffrir, c'est le contraire. Passer trop de temps, pas tellement menti. Malgré son brachet, qu'elle m'a obligé à aller. Tell me, baby. Est-ce que la vie est une surprise pour moi? Patience, moi, bout, moi, pas qu'attendre. On ne sait pas d'arriver, j'ai fait, mais pour l'amour, pas ma guerre, existence en moi. T'en passer vite, c'est la bagaille au bel. Le wap souffrir, c'est le contraire. Passer trop de temps, pas d'être moins menti. Malgré sa brache, qu'elle m'a.